di, si mesdames tendez un conseil, pour chon ça, moi pas besoin ak mariage pour lui, parce que c'est pas nié. Moi quoi nan li, et même si moi ben j'en avais, faut qu'on est bien, c'est moi qui voyais. Sans moi, moi c'est ma femme.